bricolons avec l'oncle Pipin. Ça coûte presque rien avec l'oncle Pipin, Pipin. Bonjour les tout-petits. Bonjour oncle Pipin. Vous arrivez directement de chez le rasoir. La période des fêtes va nous laisser de longues heures à ne rien faire. Et quand on veut accomplir autre chose que de regarder le même film pour la millième fois à la télévision, quoi de mieux que de réaliser ses propres décorations de Noël? Allons-y avec une première idée. Des petites touffes de poils qu'on peut suspendre au sapin à la place des sempiternelles boules. Oncle Pipin, de quoi sont-elles faites ces petites touffes? Elles sont faites avec des poils de manteau de ma tante que vous aurez soigneusement coupés et collés ensemble. Mais, que diront les matantes? Attendez qu'elles aient assez bu le vin cheap qu'on leur offre au réveillon et allez-y! Pour ajouter une petite touche de fantaisie, ajoutez quelques poils d'oreilles de grand-papa. Bricolons avec l'oncle Pipin, ça coûte presque rien avec l'oncle Pipin, Pipin! Oncle Pipin, vous avez maintenant à nous proposer une idée pour se faire des guirlandes parfumées tout à fait originales. Eh oui! Attendez assez tard dans le réveillon, au moment où tous les mononcles seront bien pactés, qu'ils auront eu chaud et qu'ils auront enlevé leurs cravates. Emparez-vous de ces cravates, enduisez-les de bonne mélasse et suspendez-les au sapin. Toutefois, évitez d'utiliser ce truc pour le Noël du campeur, car la chaleur risque d'attirer les petites bibites. Oui, colons avec l'oncle Pipin. Ça coûte où est-ce que vient avec l'oncle Pipin. Et pour finir, tous les enfants rêvent d'avoir devant leur maison ces belles grosses décorations de Noël gonflables pour faire mourir d'envie les voisins. Mais tous n'en ont pas les moyens. Que faire, oncle Pipin? Encore une fois, les tout-petits, profitez des joies du réveillon. On a tous dans chaque famille un gros mononcle qui peut et qui est rond comme une balle au bout de trois quarts d'heure. Enveloppez-le avec un gros drap blanc et mettez-le sur la galerie. Voilà un beau bonhomme de neige gonflé à moindre coût. Eh bien, les tout-petits, à vos ciseaux, à vos crayons, à vos colles. Et merci à vous, oncle Pipin. Au revoir, les tout-petits.